Chapitre 7e. Anaïk marchait nerveusement par saccades, zigzagant d'un côté à l'autre de la route, comme si elle eût été ivre. Concentrée dans sa douleur, elle ne remarquait ni n'entendait rien. « Fini, mon beau rêve, bégayait-elle, fini à jamais. L'homme en qui j'avais foi m'abandonne. Oh, Erwan, Erwan, est-ce bien toi qui me causes ce chagrin ?» Tout à coup, elle s'arrêta, en voyant se dresser devant elle Yann, qui les bras étendus lui barrait le chemin. « Arrêtez, Anaïk, j'ai bien des choses à vous dire !» Il la regardait, les yeux allumés de passion, avec une folle envie de refermer ses bras sur elle et de la presser contre lui. « Laissez-moi passer » dit-elle en détournant la tête avec dégoût. « Je suis pressée !» Ce froid accueil ne découragea pas le jeune homme. « Je ne suis pas le bienvenu. C'est toujours ainsi chaque fois que je vous aborde. » Elle eut un geste d'impatience. « Je suis pressé, vous dis-je, laissez-moi passer. Pas avant que je vous ai consolé, ma belle Anaïk, car je vois que vous avez pleuré. » Il se rapprochait, essayant de la saisir. Elle se recula d'un mouvement instinctif, comme s'il avait été un monstre, lui laissant dans les mains son fichu qui s'était dénoué et dont il tenait un des bouts. « Ne m'approchez pas. Que vous importe ma peine, à vous qui ne compatissez qu'à vos propres souffrances. » Elle dardait sur lui ses prunelles d'acier. Étonné de son ton d'inimitié, Yann s'arrêta un peu pâle. « Je suis votre plus sincère ami. Pourquoi me recevez-vous ainsi ?» Anaïk bondit à cette protestation d'amitié. « Sincère ami, mais si je pleure, c'est à cause de vous, parce que, pour satisfaire votre amour maladif, votre infâme jalousie, vous contraignez Erwan à me répudier. » « Il vous a dit cela ? » dit-il les dents serrées. « Non, il ne l'a pas dit, j'ai compris. Je fais mon devoir. » répondait-il à mes prières et à mes larmes, son devoir, mais son aveuglement atteint votre lâcheté. Est-il plus avancé maintenant qu'il a brisé ma vie ? Le visage du Yann prit une expression de dureté inexprimable. « Vous l'oublierez, » dit-il. « Jamais. Il me repousse, mais je l'aime, moi, je l'aime. » Sa passion pour Anaïk s'exaspéra de ce cri d'amour lancé pour un autre. « Renoncez à Erwan, Anaïk, renoncez-y » s'écria-t-il hors de lui. « Vous verrez que sans cela, il nous arrivera malheur à tous. » Sa fureur n'effraya pas la jeune fille. Elle fit un pas vers lui comme pour l'écraser. « Qu'est-ce que cela peut vous faire à bout que je devienne sa femme, puisque jamais je ne serai la vôtre. Vous entendez, jamais. Je vous hais maintenant pour tout le mal que vous m'avez fait. » Elle se tut, et lui, immobile, de pâle devenu blême, son exaspération tombée subitement, il la regarda sauvagement, amoureux de cette beauté fière et hardie, qui le buste rigide, la tête rejetée en arrière, le bras étendu, le cinglait de ses paroles de mépris. Elle reprit plus lentement et plus bas, et comme se parlant à elle seule, « J'ai vécu seule, presque abandonnée jusqu'ici. Cependant j'avais l'espoir, j'avais foi en l'avenir. En échange de ma triste enfance, je demandais au ciel d'être bonne épouse et heureuse mère. Votre frère m'avait engagé sa parole. Je croyais en lui autant qu'en Dieu, et je faisais de jolis rêves. J'entrevoyais par avance la vie calme et dévouée que j'aurais menée à ses côtés. De son bonheur, du mien, vous vous montrez jaloux. Cette pauvre fille qu'il aime, il vous la faut. Ce cœur qui s'est donné librement à un autre, vous le voulez pour vous. Et comme vous vous heurtez à l'infectible droiture d'une âme qui ne se reprend pas, vous menacez, vous usez de tous les moyens, de tous les artifices pour rendre Erwan parjure. Vous avez réussi, continua-t-elle, jouissez à présent de votre succès, il est complet. L'orpheline est plus misérable encore qu'autrefois. Quel que soit le côté vers lequel elle se tourne, elle ne voit plus qu'indifférence, isolement et tristesse. Vaincue par sa détresse, qu'elle crie ainsi, Anaïk s'était assise sur le talus de la route et la tête cachée dans son tablier, elle pleurait avec de gros sanglots, presque des hoquets convulsifs. Yann la contempla silencieusement, puis, s'approchant d'elle, il posa doucement sa main sur son épaule. « Pourquoi parlez-vous d'isolement ? N'est-il qu'Erwan qui sache aimer ? Regardez-moi, je vous aime à en mourir, s'il me fallait vous perdre. Vous êtes ma madone et mon étoile. Je suis prêt à passer ma vie à vos genoux. Laissez-vous toucher par mon amour, Anaïk, consentez à être ma femme. » Elle se redressa, frémissante, les narines dilatées, telle une lionne sous la pointe aiguë d'une barre de fer rougie. Les yeux hagards, elle le repoussa brutalement. édifiez votre bonheur sur les ruines de celui de votre frère. Lâche, lâche, trois fois lâche, celui qui ose envisager cela. » Elle eut un rire fou qui sonna effrayant dans la campagne, et que l'écho répercuta lugubrement. Puis, avec une hâte fébrile de fuir celui qu'elle abhorrait maintenant de toute sa rancune de bretonne insultée et trahie, elle voulut s'éloigner. Sa véhémente apostrophe avait souffleté le pêcheur. Une rage le saisit. Une lueur féroce brilla dans ses yeux pâles, ses poings se serrèrent avec des démangeaisons de tout brisé. D'un bond, il rejoignit la jeune fille et l'arrêta par le bras. Sa main, comme un étau, serra le fin poignet d'Anaïque, qui fut obligé de l'écouter. « Je ne suis pas un lâche et je le prouverai !» dit-il, la voix étranglée par sa fureur. « Malheur à vous qui m'aurez poussé au crime. Erwan vous restera. Pour le rejoindre, vous devrez piétiner mon cadavre. » Il la lâcha, et affolé par l'acuité de sa douleur morale, il s'enfuit en courant. Anaïque ne parut pas comprendre sa menace. « Lâche, lâche » répéta-t-elle. Et de nouveau, son rire lugubre troubla le grand silence des champs.